104 à chanter. Les Beatles, tous les connaissaient. 104 à chanter, qui ont tous l'air de s'amuser. Quatre garçons dans le vent, qui ont conquis en chantant le monde entier en s'amusant. Leur prénom, vous savez, sont John et Paul pour les premiers.